quoi la vie finalement nous a tous embarqués. J'en place une pour les bouts de choux fraîchement débarqués. À croire que jusqu'à présent, en hiver on vivait, vu que c'est le printemps à chaque fois que leur sourire apparaît. Je vois le mien en extase, premier jouet téléguidé, déguisé en cosmonaute, souhait presque réalisé. Instant sacralisé, trésor de mon cœur jamais épuisé, pour mon âme apaisante alisée. Revoir le rayon de lumière transpercer les nuages après la pluie, la chaleur étouffante à sécher la tuile. Revoir encore une fois le croissant lunaire embraser la nuit. Embrasser mes anges quand le soleil se noie, faire du sommeil une terre vierge. Converser dehors sous les cierges, revoir son sourire relevé quand j'émerge. Sur au-delà des turpitudes, des dures habitudes de l'hiver. Peut-être même enveloppe de môme abrite un cœur de gulliver. Revoir les trésors naturels de l'univers. Douce ballerine, l'hirondelle fond son nid dans mes songes. Sublime galerie à ciel ouvert, les genoux ne rendent pas couverts. Nous à l'air libre, mais les pierres horribles cachent souvent des gemmes superbes sous le couvercle. Revoir la terre s'ouvrir, dévoiler la mer solitaire dans la chambre. Sous la lumière que les volets la serrent impatients de l'attente. Ce printemps en décembre, en laissant ses mots dans les cendres de ces années amères. Comme quoi la vie finalement nous a tous embarqués. J'en place une pour les bouts de choux fraîchement débarqués. À croire que jusqu'à présent, en hiver on vivait, vu que c'est le printemps à chaque fois que leur sourire apparaît. Je vois le mien en extase, premier jouet téléguidé, déguisé en cosmonaute, souhait presque réalisé. Instant sacralisé, trésor de mon cœur jamais épuisé, pour mon âme apaisante alisée. La patience est un arbre dont la racine est amère, le fruit doux. J'aimerais revoir mes premiers pas, mes premiers rendez-vous. Quand je pensais que la vie pouvait rien nous offrir, à part des sous, maintenant je sais que ça se résume pas, ça existe tout. Le tout est de savoir, voir, penser, avancer, foncer. On sait que le temps dans ce monde, c'est pas notre allié. J'aimerais revoir l'instant unique, a fait de moi un père, un homme et mari. On m'aurait dit ça avant, j'aurais pas tenu le pari. Normal, dans mon cœur y'avait la tempête, les pressions et l'orage. Et pas beaucoup de monde qui pouvait supporter cette rage. J'aimerais revoir ces pages où on apprenait la vie sans dérapage. Et le partage de l'évolution, à qui je rends hommage loin des typhons. J'aimerais revoir le premier sourire de mon fils dans mon cœur. Depuis ce jour-là, je me sens fier, ce beau gosse, c'est ma grandeur. Un printemps éternel, une source intarissable, pleine de couleurs. C'est le jardin d'Eden qui me protège des douleurs. Revoir l'époque où y'avait que des pelés, son goudron s'arrachant. Autant de printemps répondant à l'appel d'un air innocent, moins pressé d'aller à l'école pour les cours, pour les postes s'y trouvant. Revoir les parties de billes sous le préau se faisant avec acharnement, tendre moment, jalousement gardé comme tous, avènement d'une jeune pousse que l'on couvre d'amour pour que rien ne salisse. Mille fleurs jaillissent dès que son sourire m'éclabousse, ça m'électrise. Cette racine va devenir chaîne massive, cèpe de métis, annonçant le renouveau, le retour de mes printemps à travers les siens et construire les siens pour qu'un jour il puisse les revivre à son tour comme volant à mon secours. Ces graines fleurissent dans ma tête quand la grisaille persiste, mur d'images refoulant mes tempêtes. Voir un printemps superbe à nouveau fleurir. Comme quoi la vie finalement nous a tous embarqués. J'en place une pour les bouts de choux fraîchement débarqués. À croire que jusqu'à présent, en hiver on vivait, vu que c'est le printemps à chaque fois que leur sourire apparaît. Je vois le mien en extase, premier jouet téléguidé, déguisé en cosmonaute, souhait presque réalisé. Instant sacralisé, trésor de mon cœur jamais épuisé, pour mon âme apaisante alisée.